طيب بسم الله الرحمن الرحيم. طيب أسألك عن الكلمة. ما معنى مهارة؟ savoir faire. أصلح يصلح. réparer arranger. Comment on dit un menuisier? نجار. Comment on dit la menuiserie? نجارة. السباك. Plombier. La plomberie, comme on dit. السباكة. أمانة تليفية تلفو. Abîmé. Comment on dit une ampoule? Lampe. مصباح. مس. مصباح. أمانة دهان. Le peintre du bâtiment. تدرب يتدربو. S'exercer. La joudoran. Un mur. Comment on dit un bâtisseur, constructeur? Bouna ou. Banna. Banna. Taïf. Quel assilat, Fadal? Qui fait voir j'ai Ahmed Adam ou Sadiq ou Hatima? تعرف غرفتي. لا. On voit, mais bon, ça m'a posé la question. En fait, c'est ça wajadahu yamalu binashar. Ah, mais après, regarde la deuxième question. Ça, ouais, mal mieux. Tu veux que j'ai mis ça dans la deuxième question, dans la deuxième réponse. Il, la première, c'est wajadahu yamalu binashar. La deuxième, ماذا كان يعمل؟ يصلح إحدى النوافذ. أي هو نوافذها. هذا هو. سامحك. لماذا يريد إصلاح النافذة؟ لأنها لا تقفل. ما ظن آدم بصديقه حاتم؟ أعجبه به. قال زاد إعجابي بك تعجب منه أو تقول زاد إعجابه به أما أعجب به لا فتم يا فيرب زاد إعجابه به سيبا أعجبه به سيبا المن فيرب سيبا المن فيرب لكن زاد سيبا المن سنس سيبا سي الإكسبرسيون أيوه. زاد اعجبه به سمح زاد اعجابه به نعم زاد اعجابه به كم مهارة يجيدها حاتم اثنين لماذا كانت مشكلة آدم كبيرة لأنه إذا يتلف أي شيء يحتاج إلى من يقوم بإصلاحه نعم ماذا يفعل حاتم إذا احتاج إلى إصلاح شيء في بيته يصلح ويصلح إلى إصلاح شيء في بيته يصلح هذه الأشياء هذه الشيء وهذا الشيء هذا الشيء وهذا الشيء يصلح هذا الشيء هذا الشيء بنفسه ماذا تمنى آدم أن يتعلم بعض المهارات هل يمكن أن تتعلم أن يتعلم آدم بعض المهارات؟ نعم. تمام. السؤال السادس. نعم. مثل مو. النجار أصلح نوافذها. النجار. أيوة. أصلح. أيوة. نوافذها. سفنتكم. Pas non, pas non. Toi, tu m'as donné un nawafid. Un nawafid, ouais. Ouais. Ensuite, Achi, عنده مشكلة لأنه لا لا يجيد. Ah non, mais c'est. Enfin, ضروري على الإنسان أن يتعلم بعض المهارات هكذا سيجتنب من المشكلة. Mouchkila, c'est celui du texte. T'as voulu mettre? Oui. Ah ouais? Ni Mouchkilatoun? Attends, peut-être que je vais vous dire. Ok, alors. Toi, t'avais dit qu'il y a de Mouchkila? Ah, là, ça va. Ah, il y a de Mouchkila. لأنه لا يجيد من المهارات مهارات نعم اي l'autre bah parce que j'ai mis avant c'est pour ضروري regarde là mon direct مشكله c'est un autre voilà ouais voilà c'était pour ضروري تدرب محمد على بعض المهارات c'était pour تدرب طيب أخذ له زاد إعجاب تواصلت زاد إعجاب إعجابون وليس كيف إعجابون إيش ما في إعجابون يا عم تمين زاد إعجابون الجملة مبهمة سمعت C'est pas ce que tu veux dire. Si je l'ai pas, je l'ai pas mis en celui-là, je sais pas. Zada. Zada Erjabou. زاد إعجاب محمد بالنجار. طيب كنت تخشي. طب بالتنوين. زاد. هذي خلي. بس هسألك. في تلف كثيرة في هذه البيت. في هذا البيت. أبوك جالس تفهم. في هذا البيت تلف كثيرة كثير. طيب هذه السابعة السابعة مضرب كما تحب إذا لم تتعلم بعض المهارات فستقابلك بعض المشكلات بعض المشكلة بعض أحمد نصح صديقه أن يتدرب كثيرا ليجيد السباك قال زميلي لا يجيد من المهارات أو من آيات المهارات زميلي لا يجيد من المهارات لا زميلي لا يجيد زميلي لا يجيد أيها مهارة من المهارات المختلفة ايات المهارات اي منامي لا aucun savoir faire parmi les différents savoir faire je vois comme ça le jidou là c'est directement n'a pas oui là j'ai pas le plus trouvé là ça a l'air ça je vais essayer تعلم الانسان الفراغ ستجيسا في وقت الفراغ لا لا بدو يستطيع الإنسان أن يتعلم إيش بعجل دمو يستطيع الإنسان تعلم فتتعلم إيش بعجل دمو تعلم المهارات كثير من المهارات في الوقت الفراغ ايوه نقول في الدرس الجديد هو الرابع والعشرون، ما زلنا في مهارات نافعة. ما كثير درس قيادة سيارة، قيادة لم هنا معنى كونجويت، اختيار معنى شواء، آلات راسي أوتي انسترومون، الحاسبة تصميم كالكولاتريس، كل العالم الآلات الحاسبة سوا سي كالكولاتريس، النظري سا سي لا تيوري، والعملي هذا في لا براتيك. الكاتبة لا سسخي الزوتي ديكريت، الآلات الكاتبة سي الزوتي ديكريتور، الشباب سي لا جونيس، سي جون اوسي، مجال ça c'est domaine. الكسب c'est le travail de tirer un salaire. الحلال معروف، مهرة donne c'est sérieux. J'ai une question. Non. Elle casse aussi le travail dont tu obtiens un salaire, ça. Ça peut être ça, là, donc c'est ça qu'il va vouloir. Jad do c'est Jad sérieux. Maharat. Maharat, j'ai pas trouvé ce qu'il veut. Ah bah ben, c'est le Maharat, c'est le même sens que pas, mais là dans le texte, je l'ai pas trouvé. En lisant le chalas, c'est lié, on va le voir. Des fois, ils mettent des mots, c'est pas dans le texte. طيب. Ça fera le مقدمة و آدم و حاتم. قال التقى آدم و حاتم ذات يوم في مركز تعليم قيادة السيارات و دار بينهما الحوار التالي. Donc, التقى se sont rencontrés. آدم و حاتم se sont rencontrés un jour. On dit ذات يوم, c'est une fois un jour. Dans le centre d'apprentissage, on va dire de conduite de voiture automobile. Et il y a eu entre eux la conversation qui suit. أهلاً يا آدم أتتعلم قيادة السيارة في هذا المركز. Il dit bienvenue au Adam, est-ce que tu apprends la conduite de l'automobile dans ce centre? قال نعم التحقت به منذ أسبوعين وفي الأسبوع القادم سأدخل الاختبار النظري ثم العملي. شو ils ont fait une erreur. Alors, ils ont mis اختيار, je voulais dire اختبار. Allah Allah. On verra dans le texte. Il dit oui, je me suis inscrit depuis deux semaines et dans la semaine prochaine ou la semaine prochaine, je rentrerai dans l'examen de théorie ensuite de pratique. يظهر أنك جاد عندما قررت تعلم بعض المهارات. il apparaît que tu es sérieux parce que tu as décidé d'apprendre certains bricolages, savoir-faire, on va dire. Naam, wa qad bada'tu fi ta'allum al-kitaba 'ala al-alat al-katiba. Wa ba'd dhalika satatarrabu 'ala al-alat al-hasiba insha'Allah. Il dit oui, j'ai commencé à apprendre l'écriture avec les instruments d'écriture, par exemple avec le clavier, je ne sais pas. Et après cela, je m'entraînerai avec les instruments de calcul, Inch'Allah. يسرني ما ما أسمع منك وأرجو أن يوفقني الله لكي أكون جميلا لك في هذه الدراسة. Il dit ça me réjouit ce que j'entends de toi et j'espère que Allah m'accordera le succès pour être ton camarade dans cette étude, cet apprentissage, on va dire, ce stage peut-être. Non, ce stage c'est ta queen. لقد فكرت كثيرا فوجدت أن بلادنا تحتاج إلى الشباب الذي يجيد المهارات النافعة في كثير من مجالات الحياة. J'ai beaucoup réfléchi et j'ai trouvé que nos pays ont besoin de jeunes parmi ceux qui maîtrisent bien le bricolage utile dans beaucoup de domaines de la vie. هكذا تقريبا. لا شك أن تعلم هذه تعلم هذه المهارات ينفع بلادنا ويفتح أمامنا باب العمل المفيد والكسب الحلال. Il n'y a pas de doute que l'apprentissage de ces bricolages, de ces choses, profite à nos pays et ouvre devant nous les portes du travail, travail utile et le salaire halal. ينفع حلال. نعم. نعم يا حاتم. فلقد أرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى العمل باليد فقال ما أكل إنسان طعاما قد خير من عمل يده وقد كان نبي الله داود يأكل من عمل يده. Il dit oui, au Hatim, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a déjà indiqué de, ou nous a même indiqué de travail manuel. Il nous a indiqué vers le travail manuel, on dirait comme ça. Et il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, que la personne n'a pas mangé de meilleure nourriture que celle du travail de ses mains. Et que le prophète d'Allah, Daoud, travaillait de ses mains. Hadith mutawakkun alayhi. Tu vois, mahara, il n'y est pas. Ou Ertiyar, c'est trompé, je pense que c'est le même Ertibar. Ce qui me semble autre. Ertiyar, là-bas, ça existe, c'est le mot qui est. C'est le masdar de Ertar et Ertarou. Tu veux dire choisir, mais en fait, je crois qu'il veut dire Ertibar. C'est où Ertibar? Ertibar al-Nadari? Ah, il y a. J'ai ça, moi? Non, je ne sais pas dans les mots. Ah. Il m'a déjà dit là. Ertibar, je pense qu'il voulait mettre Ertibar. Il y avait l'as-ila. Aina al-taqa Adam ou Hatim? Où est-ce que Adam et Hatim sont rencontrés? Mata al-taqa Adam et Markaz ta'alim qiyad al-sayyarat? Quand est-ce que Adam s'est inscrit au centre de l'apprentissage de conduite? ماذا سيصبح آدم بعد إكمال الدراسة؟ كاسك آدم deviendra après avoir complété ses études. ما أول شيء تعلمه آدم؟ Quelle est la première chose que آدم a appris؟ ما الذي تحتاجه بلادنا؟ De quoi donc ont besoin nos pays؟ ما فائدة تعلم المهارات؟ Quel est le profit d'apprendre ce savoir-faire؟ ماذا يتمنى حاتم؟ كيف حاتم؟ سويت أسبير. حث الإسلام على العمل. أذكر دليلا على ذلك. الإسلام un site de travail, site 1, une preuve de cela. ما الفرق بين الاختبار النظري والعملي؟ Quelle est la différence entre l'examen de théorie et l'examen de pratique؟ هل كل عمل يحتاج لعامل ماهر؟ Est-ce que chaque travail a besoin d'une personne qui le maîtrise bien. طيب. الثاني املا الفراغات avec les mots remplir les trous. التحق qui veut dire s'inscrire. قرر qui veut dire décider. تدريب exercice. سرني ما réjoui. الحلال معلوف. النفع معلوف مفيد معلوف مهارات كذلك. والآلة les outils instruments. الجملة الأولى تعلم المهارات يحتاج إلى مستمر. l'apprentissage du bricolage a besoin de continu. Tadri. Là. Non. L'exercice continu. Thaniyan, ta'allum al-maharat li sahibihi wa li ghayrihi. Que l'apprentissage du bricolage pour celui qui l'apprend et pour autre que lui. Neuf. Non. Si. Là. Mufid. Mufid. يعود تعلم المهارات بام للجميع que l'apprentissage de maharat apporte pour tout le monde neuf utilité pour tout le monde رابعا ما سمعته عن نجاحك العظيم ce que j'ai entendu de ta réussite de ta grande réussite سرني نعم خامسا المال سعادة لصاحبه l'argent le bonheur pour celui qui l'obtient الحلال نعم l'argent حلال bien حلال سادس صديقي قبل عامين بمركز تعلم إصلاح الأجهزة الكهربائية donc mon ami il y a deux ans dans le centre d'études de réparation des appareils électriques. Quel tahaqa. Sabi'an, walidi an yu'allimana jami'an maharat mukhtalifa. Mon père de nous enseigner à tous des bricolages, du bricolage. Qarrara, décidément. Sabi'an, hunaka yanbaghi lil-insani an yata'allamaha. Qu'il y a qu'il revient que la personne doit apprendre. Il y a maharat. نعم. تاسعاً بعض الأعمال يعملها الإنسان بيده وبعضها يحتاج إلى certains travaux. La personne a besoin de les faire de lui-même, de sa main, et d'autres il a besoin de l'outil. نعم. طيب الثالث استعمل كل كلمات تالية في جملة مفيدة. هذا في البيت. مثل les mots suivants. Qada yaqudu, ça veut dire conduire. Yaksabu, c'est faire un travail qui apporte quelque chose. Al-halal, ma'louf, al-shabab, c'est la jeunesse ou les jeunes. Majal, domaine, on a dit. Yahsabu, c'est compter. Maharatun, ça vient de mahara, tu vois. Donc ça... C'est une habilité ou une chose comme ça, talent. Alat, outil ou instrument, al-kasb, c'est le masdar de yaksabu. T'as compris kasab yaksabu, t'as compris le kasb. C'est le salaire. Yaksabu, faire un travail qui apporte un salaire. Non. Et majal, c'est domaine. Hein? Al-majal, c'est domaine. Al-khamis. Compléter les questions suivantes en mettant les mots que tu veux. La yujidu sadiqi ayya. Mon ami ne maîtrise aucune. Thaniyan yabdu anna ta'allum al-maharat. Il apparaît que l'apprentissage du bricolage, des bricolages. Thalithan nashakka. Pas de doute. Tu mets la suite. Rabi'an ta'allum al-kitaba ala alat al-katiba. Ala alat al-katiba. Apprendre l'écriture. Parler d'outils d'écriture, mais la suite. Ayat Allah ou Main la n'apprend pas celui qui ne ta'allum ou ta'allam al-amilu as-sibaka fi que l'employé a appris la plomberie dans. Akhbarani sadiqi bi annahu. Mon ami m'a informé que qu'il la kaza. Iza hawalta ta'allum ay maharat, si tu tentes d'apprendre quelconque. Bricolage, artisanat. Si j'ai bricolage, ça peut être plus large que ça, tu vois. C'est juste le mot qui vient sur le moment. Ça peut être être un artisanat, ça peut être, comme je t'ai expliqué, savoir-faire. Al-Dhalika. Tasi'an, Arshad al-Walidu, Ibnahu, al-Musafir, que le père a indiqué à son fils qui voyage. Ensuite. Inna al-Sabbak al-Mahir, certes, le plombier habile, ou expérimenté. Ensuite. Al-Kasbu al-Halal, le salaire halal. La suite. السادس لا نفعله ونكمل بالسابع في البيت كذلك. Tu veux c'est maintenant ترتيب الكلمات pour faire une jumla. أننا المهارات الإنسان من تعلم بعض يستفيد. تعلم الإنسان لا. يستفيد أسي خطأ في تعلم. نعم. يستفيد الإنسان تعلم من تعلم من تعلم بعض المهارات. نعم. La personne profite son apprentissage de certains bricolages. ثاني تعلم مهارة إذا جادا فكن حاولت أيته أو أيتي. إذا حاولت تعلم تعلم أي مهارة فكن جادا. نعم. Si tu tentes d'apprendre n'importe quel bricolage, alors sois sérieux. أحمد مدة في تدرب أجاد النجارة مهارة حتى بصيرة. أحمد. نعم. تدرب مهارة لا تدرب استنى في النجار في النقاش تدرب في نعم من أحمد أيوه تدرب في نجارة في نعم في النجارة لا حتى أجد لا أحمد تدرب مهارة النجارة حتى أجد في مدة قصيرة. هذا الإصلاح c'est un wesh qui m'a coulé. Il y aura d'autres toujours, mais c'est un wesh qui m'a coulé. Non. Ok. Non. Mais tu as fait bien la loi. Ouais, alhamdoulilah.